Bonjour tout le monde, j'espère que ce mercredi 23 septembre vous prouvera qu'un autre jour est possible pour reprendre le titre de votre magazine culturel, tous les jours de 6h à 6h30 ou quand vous voulez, si vous passez par le podcast disponible sur franceculture.fr. Depuis lundi, l'académicien Eric Orsenna nous raconte la vie, l'œuvre de Louis Pasteur dans un instant, le troisième épisode. Et puis tous les mercredis, on parle de cinéma en deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui a pour titre Brooklyn, mais qui ne se passe pas du tout à New York, ni en Amérique. Ça se passe en France, dans le département le plus pauvre, la Seine-Saint-Denis. C'est un premier film, un film signé Pascal Tessot, qui sera mon invité aux alentours de 6h20. Mais tout de suite, tête chercheuse. Louis Pasteur, l'extraordinaire explorateur de la vie par Eric Orsenna. Aujourd'hui, troisième épisode, la religion et la discipline. Bonjour Eric Orsenna. Bonjour. Alors, avant de lire votre livre consacré donc à la vie et à l'œuvre de Pasteur, édité par Fayard, La vie, la mort, la vie, j'avais une idée d'un pasteur brillant, scientifique, le grand savant, le plus grand des savants, mais qui était un peu bigot. Et là, je m'aperçois que sa relation avec la religion était quelque chose de tout à fait, à part pour ne pas dire son jardin secret. C'était son jardin secret, c'était son droit de réserve, c'était quelque chose d'autre. Sa croyance était à la croyance en un être suprême. Pas forcément, il n'entrait dans les détails de telle ou telle religion. La fonction de cet être supérieur était peut-être surtout de donner une sorte de structure à la société. C'est-à-dire, c'est un vrai conservateur. Ce qui est d'ailleurs très étonnant parce que d'un côté, socialement, il est très conservateur, et de l'autre côté, en termes de science, il est extraordinairement révolutionnaire. Il y a une sorte de coupure comme ça entre les deux. Et donc, il n'est pas du tout de ceux qui croient pouvoir trouver dans les mécanismes de la vie qu'on découvre, qui sont découverts par les scientifiques, la réponse à la question « Dieu existe-t-il et à quoi ressemble-t-il » Il prend soin toujours d'affirmer que ce sont deux domaines tout à fait différents. Il y a les hypothèses, il y a la vérité et puis il y a la foi. Et la foi est d'une autre dimension que la déduction qu'on pourrait tirer de différentes hypothèses scientifiques. Quelle éducation religieuse a eu Louis Pasteur ? Alors, c'est évidemment l'éducation dans un petit village, on imagine, du Jura. Donc évidemment, l'Église, évidemment, tout ça est très religieux. Mais on n'a pas un sentiment mystique. Ou si on a un sentiment mystique, c'est le sentiment mystique de la vie. De la vie même. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous savez, qui pensent que c'est la terre-mère qui sont là. Il y en a d'autres qui pensent que Dieu en tant que tel. Il y en a d'autres qui pensent que c'est le Christ. Dieu est amour. Il y en a d'autres. Enfin, vous voyez, il y a des gens qui trouvent la transcendance. Là, c'est vraiment la dynamique même de la vie. Et c'est pour ça que j'ai pris ce titre, la vie, la mort, la vie, parce que il a fait d'énormes progrès. Des progrès décisifs dans la connaissance de la vie, montrant à quel point tous les petits organismes, qu'ils soient des bactéries ou qu'ils soient des champignons, créent les mécanismes à la fois de la santé. Il n'avait pas encore pu analyser tout ce que nous devons aux microbes. Et vous savez qu'en ce moment, c'est une des découvertes majeures de la médecine, c'est-à-dire tout le jeu des microbes que nous avons à l'intérieur des intestins, on voit à quel point ça entraîne des maladies, mais aussi ça peut guérir. Donc, sa mécanique était la vie. Il avait fait avancer la vie. Et quelque chose me dit que la mort était jalouse de ça. La mort ne supportait pas les progrès qu'il avait fait faire à la vie, parce que la mort s'est acharnée sur lui comme sur peu de gens. Parce qu'il a frappé ses proches, ses deux sœurs, qui étaient des sœurs aimées, sa mère très tôt, son père assez vite, et surtout, sur 5 enfants, il a perdu 3 petites filles qu'il aimait tendrement, et ses deuils l'ont ravagé. Toutes les 3 de maladie, 2 de typhoïde et 1 de cancer du foie, une petite fille à 2 ans, une petite fille à 9 ans et une petite fille à 12 ans. Et à chaque fois, il est ravagé et il plonge dans le travail avec évidemment comme objectif redoublé de trouver une solution à ces maladies. Et quand, après la victoire contre la rage, il s'attaquera avec ses collaborateurs à une maladie redoutable qui est la diphtérie, qui faisait étouffer les enfants. Et imaginez ce que c'était. Les parents voyaient leurs enfants étouffés devant eux. Et donc, aussi, on a avancé beaucoup dans ce mécanisme-là. Donc, il y a une bataille féroce entre la vie et la mort. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça, que j'ai pas. Alors, j'ai sans doute pas été assez loin, pas lu suffisamment en détail toute sa correspondance, sa relation, mais je ne l'ai pas vu si présent que ça. J'avais l'impression que, de la même manière que bien travailler pour sa patrie, c'est faire avancer la science, de la même manière, travailler, c'est prier. Et c'est pour ça que... Et c'est sa manière de prier, c'est le travail. Et c'est pour ça que, au fond, le loisir était insupportable. C'est-à-dire la conception qu'on a aujourd'hui du loisir, c'était insupportable, parce qu'évidemment, c'était sa création même. Et donc, il considérait que, il l'a dit et redit, que chaque heure passée hors du travail était une heure volée. Volé, donc il travaillait nuit et jour, il s'est complètement épuisé. Il meurt assez tôt et complètement épuisé. Mais pour revenir à Victor Hugo, et vous nous le disiez hier, l'ennemi de Louis Pasteur, son contemporain et son ennemi, c'est-à-dire que Victor Hugo au moins eut ce cri contre Dieu à la mort de sa fille. Louis Pasteur, lui, ne va pas réagir comme ça. Il va réagir avec des larmes d'abord. Non. Et puis aussi cette manière d'être... Un homme dont on dit qu'il ne sourit jamais. L'homme qui ne rit pas. L'homme qui ne rit pas. Alors, il ne rit pas parce que il y a un tempérament assez retenu. Son père n'avait pas l'air non plus d'un grand rigolo. Il ne choisit pas comme femme une grande rigolote non plus. Quand on voit son... Il va falloir que vous nous racontiez ce mariage. Ce mariage incroyable. Incroyable. Son mariage est un projet. Et donc, c'est quelqu'un qui ne rit pas. Il est dans la... Vous savez, rire, c'est se détendre. Et pourquoi on se détendrait ? Se détendre, c'est voler aussi de l'énergie. Non, mais vous pensez bien, Eric Orsenna, qu'aujourd'hui, quand vous nous dites ça, ne pas rire, ça renvoie à des intégristes. C'est pour ça qu'on imagine... Sauf que ouais. La grande différence, c'est que c'est un intégriste de la vie, alors que les autres sont des intégristes de la mort. Et là, j'imagine que la phrase comme ça, contre laquelle s'est dressé Unamuno pendant la guerre d'Espagne, les gens qui disaient « vive la mort », parce qu'il y a des tas de gens qui disent « vive la mort ». On en voit aujourd'hui, il y en a plein qui disent « vive la mort ». Vive la mort des gens, vive la mort de tous les autres, vive la mort de ceux qui ne partagent pas, vive la mort aussi des pierres, vive la mort de Palmyre et tout ça. Lui, c'est l'inverse. C'est la vie. Comment c'est la vie ? Donc c'est l'inverse, c'est le respect. Respect des mécanismes de la vie. Toujours. Et c'est pas un défi à Dieu, à cette époque-là, hein, que de vouloir comprendre ce qui donne la mort à ses proches, aux gens, à l'humanité, d'avoir cette idée de les sauver du destin. Sans doute, c'est une ambition, mais j'ai pas vu, enfin peut-être me trompais-je, mais j'ai pas vu une sorte de défi à la mort, oui, défi à la souffrance, oui. J'ai pas vu de défi démiurge en disant je vais m'affronter moi. C'est pas Prométhée. C'est quelqu'un qui avance petit à petit et qui commence par le petit, c'est-à-dire qui commence par le verre à soie, qui commence par le minuscule et puis qui va monter jusqu'aux vaches et aux chevaux et puis après aux êtres humains. Et donc, j'ai pas senti de sorte de ça, d'affrontement comme ça en disant à nous deux Dieu. Non. Ce qui se passe, c'est pas ça. Et alors, il y a un autre élément qui est très frappant, c'est la volonté farouche, le projet. Et on ne sort pas du projet. Et le projet, son projet, c'était je vais pas me marier parce que me marier me détournerait. Quand même, c'est pas rigolo non plus. C'est pas un immense sensuel, a priori. Alors que son concurrent, Cor, il le méprisait pour ça. Il a une femme qui l'a aidé dans les premiers temps de sa vie. Imaginez cet immense savant allemand. Il était médecin de campagne. Et donc, c'est le soir, en rentrant de ses visites, qu'il faisait des découvertes hallucinantes, mais seul avec sa femme. Et une fois qu'il a utilisé sa femme, on peut dire, il a pris une jeunette qui était une actrice, une chanteuse. Alors là, pour Pasteur, c'était invraisemblable. Comment pouvait-on être savant d'un tel niveau, le concurrent, le seul concurrent en Europe de Pasteur, qui est et puis Koch, le bacille de Koch. Et donc voilà, donc c'est, et il y a eu un livre de Maxime Schwartz, l'ancien patron de l'Institut Pasteur, où il les met ensemble, une sorte de duel entre les deux, entre Pasteur et Koch. Alors donc, si la religion n'est pas si présente, ou en tout cas la morale religieuse en train de régir la vie de Louis Pasteur, oui, et Eric Orsenna. Parce que sa femme Marie est beaucoup plus religieuse que lui. Et alors, l'histoire du mariage est incroyable. Donc, il est nommé professeur de chimie. Il a 28 ans. Il est nommé professeur de chimie à l'université de Strasbourg. Et le recteur invite les nouveaux professeurs. Il faut dire que le recteur a marié déjà une fille, mais il en a deux autres à marier. Donc, les jeunes professeurs, c'est bien, pourquoi pas, on reste dans le milieu. Et puis, il voit là les deux filles du recteur. Et puis, il envoie une lettre. Et c'est très étrange, parce qu'il demande en mariage une fille, mais on ne sait pas laquelle. On ne sait pas laquelle. Et puis, on se demande bien, on ne sait pas ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il a choisi Marie parce que l'autre a dit non ? Parce qu'il choisit honnêtement celle qui n'était pas franchement la plus belle des deux. Et donc, on ne sait pas trop. Et puis, Marie répond pas tout de suite. Et lui pleure. Il est dévasté. Alors qu'il l'a vu une fois. Il est complètement dévasté parce que c'est son projet. Et puis, finalement, elle dit oui. Et là, projet, ils sont mariés immédiatement. Et après, c'est toute la vie, ils vont être liés, mais liés de façon perpétuelle. Parce que elle est... Sauf que les tâches sont bien partagées. Hein. Oui. À l'épouse... Bah, ah oui, mais organisé, mais en même temps... Organisé, faire le ménage... Le ménage, non, parce qu'ils sont aidés. Mais attendez, c'est aussi sa secrétaire. C'est elle qui lui prépare les dossiers. C'est elle qui l'aide à répondre à les attaques incessantes. Parce que c'est la bataille sans arrêt, tout le monde est contre, il y a des tas de gens qui sont contre, notamment le libelliste Rochefort, il est contre à chaque fois qu'il fait quelque chose. C'est la bataille permanente. Donc, elle lui permet de chercher, elle lui organise son laboratoire, elle est sorte de secrétaire générale de la société Pasteur. Et elle la présente, elle suit ses étapes, elle le réconforte, elle tient et le navire et le personnage Pasteur quand ces trois drames terrifiant, les frappe en même temps. C'est elle qui tient, lui il est dévasté. Et elle l'accompagne à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème de santé publique, il déménage pour aller regarder ça, notamment avec les verres à soie, et ils vont passer 6 mois près d'Alès, et puis revenir encore, et c'est elle qui organise la maison, c'est elle qui prépare les laboratoires, c'est elle qui, etc. Enfin, c'est un personnage absolument admirable. Louis Pasteur, l'extraordinaire explorateur de la vie, par Eric Orsenna. La série continue. On se retrouve demain pour le dernier épisode. Avec plaisir. Plaisir partagé en direct tous les jours de 6h à 6h30 ou en passant par le podcast disponible sur franceculture.fr. La vie d'à présent est pleine d'agréments. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Même j'avoue sans manière. Je trouve que c'était de façon. Ainsi l'autre matin, je filais à Pontrain dans l'autobus de la Villette. Trouvais ça vraiment chouette. Quand voilà que soudain, le frein casse, oh quelle émotion. La voiture perd sa direction et finit par nous déposer dans la fondure d'un charcutier. La vie moderne, c'était en 1911, le JAL Victoire. Dans un instant, on parlera cinéma sur France Culture. J'avais un œil terne, et je me disais que Raymond de nom, est-ce que c'est du lard ou bien du cochon ? Y a pas d'erreur, c'est un bonheur que la vie moderne. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. tous les matins sur France Culture. Another block, hot, crooked cops, gunshots, another body drop. Grandma waiting at the bus stop. County jail letter in the mailbox. Mercredi cinéma. Aujourd'hui, Keanu Reeves revient sur grand écran. 25 ans nous séparent de My Own Private Idaho de Gus Vincent. Et mine de rien, Matrix, c'était déjà il y a 15 ans. Keanu Reeves revient donc. Il n'a pas trop changé en réalité. Il a tout juste 50 ans. L'âge ingrat. Plus du tout jeune, pas assez vieux. Peu de rôles disponibles pour cette tranche d'âge. Le voilà à l'affiche d'un thriller érotique. Faut-il être solidaire avec nos idoles de jeunesse, même dans les moments les plus critiques de leur carrière? Y aller ou pas? Sinon, le cinéma français cette semaine explore d'autres territoires. C'est dans une petite ville industrielle sinistrée de l'est de la France, coincée entre banlieue et campagne, que se déroule Une enfance de Philippe Claudel. Et c'est dans un petit village du Lot-et-Garonne que se déroule l'action du film de Laurent Lafargue, Les Rois du Monde, qui ne le sont pas bien sûr. Autre terrain sensible, comme on dit en langue de bois officielle, la banlieue et ses cités populaires. Brooklyn, comme son titre ne l'indique pas, est bel et bien un film français, un film francilien même. Il se déroule dans le département le plus pauvre de l'Hexagone. C'est un premier film réalisé par Pascal Tessot, mon invité ce matin. Bonjour Pascal Tessot. Bonjour. Brooklyn, tel est le titre de votre premier film, presque entièrement tourné à Saint-Denis, dans le fameux, dans l'emblématique 93, le 9-3, comme disent même ceux qui ne sont plus du tout jeunes. Brooklyn, c'est le nom de scène de la protagoniste principale de votre film, en fait, une jeune rappeuse de 22 ans. Elle vient de Suisse, cette jeune fille, mais ce n'est pas l'histoire d'une princesse bobo venue d'un des pays les plus riches d'Europe et qui découvre toute la misère du département le plus pauvre de France. Non, il faut préciser que Brooklyn est tout aussi modeste, tout aussi précaire, tout aussi noire que la plupart de ses nouveaux voisins. Film initiatique, oui, puisque Brooklyn est la chronique d'une jeune fille à deux moments clés de son passage à l'âge adulte, c'est-à-dire sa rupture avec sa famille et sa première déception amoureuse. Film sociologique aussi, puisqu'il dresse en creux le portrait de Saint-Denis en 2015. Et puis film hip-hop aussi, car tout est centré sur le personnage de la rappeuse et sa rage de réussir dans la musique. Alors, vous, comment vous l'avez conçu ce film d'abord, Pascal Tessot? Hip-hop, sociologique, film initiatique? Ben, en fait, il y a un nouveau courant qui émerge en France avec le cinéma guérilla. Depuis quelques années, on a vu émerger des figures comme Jean Carénard et Rachid Jaidani avec Rangaine. C'est des amis à moi et je voyais qu'ils prenaient énormément de plaisir à ne pas respecter les règles du cinéma français, c'est-à-dire tout dans l'écriture, les commissions, etc., etc. Et du coup, cette spontanéité du cinéma guérilla dans la rue avec des amis, j'avais envie de me, voilà, de moi aussi faire, pourquoi faire ça cette expérience. Pourquoi ça s'appelle cinéma guérilla? Parce que vous êtes en guerre contre le système français établi. Bah, disons que le cinéma français est une chasse gardée. Donc quand on vient d'un milieu ouvrier comme moi, on n'a peut-être pas les codes pour convaincre une certaine catégorie sociologique qui décide de la production. Et quand on a envie de faire des choses libres et qui représentent les quartiers, sans être dans le cliché, la comédie ou des choses archétypales, bah c'est difficile de trouver un soutien. Du coup, sans tomber dans le misérabilisme, on fait avec le système D, c'est la crise, et il y a une révolution technologique avec les appareils photo HD qui ressemble vraiment à une caméra de cinéma professionnel. Et du coup, Jean comme Rachid m'ont montré le chemin, et j'avais envie de m'éclater et faire un film totalement libre, comme une sorte de poème cinématographique qui soit un hommage à ma culture qui m'a fait grandir, qui est la culture hip-hop, qui est totalement dénigrée en France et caricaturée, alors qu'elle a fondé énormément de belles choses, des ateliers d'écriture, une connaissance de l'histoire politique, des luttes afro-américaines par exemple, une éducation populaire, le goût de la langue française, une organisation collective, une solidarité. Donc voilà, moi j'ai grandi avec cette culture-là. Je suis éduqué, j'ai fait des études à la fac, mais je trouvais que c'était important, c'est mes racines. J'ai grandi en banlieue et j'avais envie de rendre hommage à cette culture qui est énorme, qui est vraiment une culture mondiale et qui est complètement sous-estimée en France. Et ça me fait plaisir d'être à France Culture pour parler de Brooklyn. Alors, dans le rôle de la rappeuse Brooklyn, une vraie rappeuse catégorique. Alors, est-ce qu'elle est connue dans le milieu, puisque vous êtes toujours connecté au milieu hip-hop? Je veux dire, est-ce que vous l'avez choisie parce que c'est une bonne rappeuse et qu'elle est connue dans le milieu du hip-hop, ou pour ses qualités d'actrice, ou enfin parce qu'elle est jolie, il faut le dire aussi. En fait, j'avais conçu déjà le scénario, je cherchais une femme rappeuse, et j'ai cherché pendant 6 mois en France, j'ai un peu galéré pour trouver ma rappeuse, donc je cherchais désespérément sur Internet, je suis tombé par hasard sur elle. Elle est devenue aux États-Unis, à New York, la première femme championne du monde d'improvisation, de freestyle dans des compétitions internationales. Elle représentait la Suisse, puisqu'elle est d'origine suisse. Elle a battu des hommes, c'est la première fois, et elle a un niveau d'improvisation en rap qui est extraordinaire. C'est une des meilleures au monde, et elle est inconnue, sauf dans le milieu End of the Week, c'est la compétition. Donc je suis tombé sur une pépite sur Internet. Après, je ne savais pas si elle savait jouer la comédie. En tout cas, elle avait un vrai charisme sur scène, et en effet, elle est très belle. Donc j'ai été en Suisse, dans son village, c'est Martigny, ça s'appelle, c'est près des Alpes, et je lui ai fait faire de l'improvisation avec un comédien. Et elle avait un talent inné dans la comédie. Elle savait pas qu'elle savait jouer en tant que comédienne. Et donc, elle se révèle vraiment dans mon film. D'autant plus que tout le film est improvisé. Tous les dialogues sont improvisés. Donc, il n'y a pas eu des titres qui ont été conçus pour le film? Si, les titres, parce qu'elle rappe dans le film, ses propres textes, mais ce sont des textes qui sont des commandes que je lui ai demandé. Donc, inspirés de l'histoire. Complètement. Justement, c'était des contraintes par rapport à l'histoire, à la situation de la séquence. Donc, il fallait qu'elle écrive pour le film. Donc, elle a écrit tous les textes qu'elle rappe dans le film pour le film Brooklyn. On écoute un peu. Le regard vers l'horizon. Sans moi, naviguer serait impossible. Ma mission, prévenir les matelots lorsqu'arrivent ceux qui nous ciblent. Un pirate est fidèle. Je retournerai pas ma veste, resterai posté pour éviter qu'on nous renverse le bitume et ma mère. Catégorique. Vous pensez qu'un jour elle sera connue en France? Pascal Tessot. Grâce à vous, oui. Grâce au film. Donc, elle n'est pas encore connue. Donc, c'est une nouvelle qui arrive. Elle est connue dans l'underground du hip-hop, mais elle n'a pas sorti un album dans un label. Là, elle est en train de préparer un premier album en indé. Elle commence à avoir sa petite réputation underground, donc ça va être une révélation. Les Français la connaissent pas, et ça me fait super plaisir. Voilà, il y a pas qu'elle en plus dans le film. C'est vraiment un film collectif. Il y a une vingtaine de comédiens. Les autres rappeurs viennent tous de Saint-Denis. C'est tous des talents underground de Saint-Denis, très très forts en improvisation. Comment vous avez fait pour produire ce premier long métrage Brooklyn, sachant que vous avez réalisé déjà des documentaires, y compris pour la radio d'ailleurs, autour du hip-hop, de la culture urbaine et des banlieues? Mais alors ce film, comment vous l'avez monté financièrement? J'ai mis toutes mes économies dedans, et j'ai demandé à des collectifs, des associations, des amis. On a fait une chaîne de solidarité où voilà, les gens avaient envie de m'aider, donc j'avais des plans dans des appartements, des décors, du matériel. Ça dirait combien de temps le tournage? Le tournage a duré 6 semaines. Ouais. On avait une vraie équipe de cinéma. On était en mini équipe, ouais. Mais on était très organisé. C'était pas le bordel. Et voilà, on voulait vraiment faire un vrai film de cinéma sans argent. Faut-il vraiment être de banlieue, né en banlieue, vivant en banlieue, pour parler de la banlieue? La preuve, puisque tous les films qui marchent, qui sont valorisés par les médias, ce sont des gens qui ne viennent pas de banlieue, qui tournent en banlieue. Donc le problème, c'est l'inverse. C'est qu'il n'y a pas assez de représentants des quartiers qui accèdent à la réalisation de longs métrages. Moi, ça ne me pose pas de problème que Jacques Audiard ou Kassovitz fassent des longs métrages en banlieue, mais il ne faudrait pas qu'ils ne laissent pas la possibilité à d'autres de s'exprimer et qui représentent vraiment ces populations. Après, n'importe qui peut raconter n'importe quoi. Il s'avère que quand tu viens de banlieue, tu viens d'un milieu ouvrier, t'as pas toutes les connexions pour accéder à la production de cinéma, donc c'est plus dur. D'où la nécessité de faire un film pirate, un film guérilla, parce que si on fait pas Brooklyn dans ces conditions, moi je réalise jamais mon premier long métrage. Est-ce que Paul Carpita a vraiment compté pour vous, Pascal Tessot? Alors Paul Carpita, oui, c'est un de mes modèles. J'ai fait un livre d'entretien avec lui en 2009. C'était le premier fils d'ouvrier à avoir réalisé un long métrage en France, sans autorisation, en pleine guerre coloniale. Indochine, Algérie, et il a fait un film sur les dockers de Marseille, la grève de Marseille qui a duré 2 mois et qui était vraiment très durement réprimandé par les CRS, etc. Et il a fait un film guérilla, c'est quelqu'un qui venait de la résistance, et voilà, il a filmé pour la première fois à l'écran, on voyait le peuple français, les ouvriers à l'écran. C'était pas Jean Gabin, Alain Delon, c'était des gens de la rue. Il filmait ça comme le cinéma italien néo-réaliste, et il a été censuré 35 ans pour des raisons politiques. Donc voilà, quand un premier fils ouvrier accède à la réalisation d'un long métrage en France, il est censuré 35 ans en France. Donc il y a un vrai problème de liberté d'expression depuis longtemps en France, surtout quand on vient des classes populaires. D'où ma question, est-ce que c'était donc un choix délibéré que de choisir des gens qui n'étaient pas très connus dans le cinéma ou dans le hip-hop pour jouer dans votre premier long métrage Brooklyn ? Bien sûr, c'est dans cette continuité de cette culture néo-réaliste de filmer le peuple. De ne pas starifier le cinéma comme quelque chose d'inaccessible, mais au contraire, planter sa caméra au cœur du monde, au marché de Saint-Denis, il y a 20 000 personnes, on a fait notre film en plein milieu de la foule, personne nous a embêtés, et voilà, c'est une envie de changer un peu l'image du cinéma français qui a beaucoup d'archétypes, isolés, etc. Bah nous, au contraire, on veut amener ce vérisme, ce néo-réalisme à la française, mais version hip-hop. À la française, mais elle s'appelle Brooklyn, c'est son nom de scène. Votre héroïne principale, cette rappeuse, elle s'appelle Brooklyn, et bien sûr, la référence est américaine, elle n'est pas française. Bah, le problème en France, c'est que la jeunesse n'a pas forcément de modèle de réussite en France, et du coup, même moi, qui est plus âgé qu'eux, j'ai grandi avec des références étrangères. J'ai du mal à me reconnaître dans la culture française actuelle, dans la littérature française, dans le cinéma français. J'ai du mal. Donc c'est vrai que j'ai une fascination pour le cinéma indépendant américain, le rap. Et voilà, c'est une influence qui est majeure parce qu'il y a des minorités qui sont au sommet de la culture, du cinéma, de la musique aux États-Unis. Il y a des Noirs qui sont vraiment valorisés parce qu'ils ont du talent. Le cinéma français ne doit pas être juste pour une élite. Et du coup, qu'on vienne de banlieue, qu'on vienne de province ou d'ailleurs, c'est pas ça le plus important. C'est de pouvoir s'exprimer et que la diversité de la population française existe à l'écran. C'est ça qui m'intéresse. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pour avoir la biographie complète de Pascal Tessot, ou juste pour voir à quoi il ressemble, notre page Un autre jour est possible est disponible en quelques clics à partir du site franceculture.com. Vous trouverez aussi tout ce qu'il faut pour écouter cette émission en ligne ou en podcast. Demain, suite de notre série Louis Pasteur par Éric Orsenna, et en deuxième partie, je recevrai Zoé Valdès pour son dernier roman La femme qui pleure. On parlera donc de Dora Maar, qui n'était pas seulement la muse de Picasso, et on évoquera sans doute Cuba, La Havane, le rêve du retour, comme toujours quand j'ai le plaisir de recevoir Zoé Valdès. Belle matinée, hasta la vista. Ça va ?